En cette période de réjouissance, Construction Proco, qui se spécialise dans la charpente, structure de pont et revêtement, aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. Notre entreprise est très fière d'être impliquée dans la construction du nouveau pont dans notre secteur et remercie la population pour sa patience pendant les travaux. Construction Proco, une entreprise de notre région. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivité. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local. Évidemment, on revient sur l'histoire de la Ligue régionale du lac au fleuve. Cette histoire qui a fait parler énormément au cours des dernières journées, c'est cette bagarre qui a eu lieu à Forestville entre le MGR Express de Ville-Saguenay et également la formation de la Haute-Côte-Nord. En entrevue hier sur les ondes de danslenotresport.com, le directeur général de la Ligue, Mathieu Garon, a bien expliqué évidemment ce processus. Et selon eux, les joueurs de Jonquin n'ont pas voulu se battre, ce qui a alimenté évidemment la foule. Dans la situation qui s'est passée là, on peut dire que la transaction, ou on peut dire que l'acquisition que Haute-Côte-Nord ont faite pour ce match-là, a eu aucune incidence en tant que tel sur qu'est-ce qui s'est passé en tant que tel. Si on relève à peu près les faits, OK, du début, c'est Haute-Côte-Nord, on voulait aller chercher des joueurs, oui. Des hommes forts pour pouvoir affronter Jonquière. Haute-Côte-Nord, là, il n'avait pas d'hommes forts dans leur équipe. Fait que quand Jonquière venait jouer, il arrivait avec un alignement de trois toughs. Eux autres, donc, contents, ils ont dit, on va avoir trois toughs. Donc, ils sont allés les chercher. Mais c'était tout simplement pour qu'il y ait un spectacle entre les hommes forts, seulement ça. En première période, les hommes forts de Jonquière embarquaient sa glace. Les gars de Côte-Nord embarquaient sa glace. Mais Jonquière avait l'air de plus niaiser que d'autres choses. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça a plus provoqué, on pourrait dire, la frustration un peu dans les estrades des partisans, parce qu'on voyait que Jonquière embarquait pas dans le game à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ça que c'est on pourrait dire, c'est ça qui s'est passé. Les gars... Pour Mathieu Caron, il n'y a pas de doute que c'est peut-être une nécessité pour le spectacle d'avoir des hommes forts, même dans la Ligue du Lac-aux-Fleurs. Pour avoir des hommes forts, moi, c'est j'ai aucun problème que des hommes forts se battre pendant un match contre d'autres hommes forts dans une équipe. Ça fait partie un peu de la Ligue senior. Ça fait partie de la game. Les partisans en demandent. Ils veulent en voir. Mais tant que c'est entre personnes consentantes, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'aime pas, par contre, c'est les hommes forts qui vont s'attaquer aux bons joueurs. Ça, par contre, j'aime moins ça. Parce que ça, c'est pas une nécessité. On n'a pas besoin de ça. Les bons joueurs, ils sont là pour pouvoir jouer au hockey. Il n'y a pas de problème. Des fois, là, une bagarre dans la partie, là, ça peut juste changer un peu de tempo de la game. Ça fait vraiment, ça fait bien la chose. Par exemple, à Charlevoix, en fin de semaine. Gino Gagnon a démissionné de son poste, et évidemment pour les raisons qu'il ne veut pas que ce qui se passe dans la Ligue nuise à sa réputation. J'ai posé la question à Mathieu Garon, est-ce que ça envoie un message à la Ligue, et selon le directeur général de la Ligue, c'est pas nécessairement la Ligue qui doit peut-être travailler, mais plutôt l'équipe qui doit travailler sur son image. C'est le directeur général de l'équipe qui doit gérer son personnel entraîneur, qui doit gérer ses joueurs. Moi, mon rôle comme directeur général, c'est de gérer les opérations de la Ligue. C'est de gérer les quatre équipes, à s'assurer qu'on est opérationnel. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? Ça, c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des autres. Fait que moi, si Gino Gagnon décide de se retirer parce que justement, il est pas à l'aise dans la situation qui est là, c'est sa décision. Mais comme je vous dis, Moi, j'ai vois les autres games, là. J'ai vois Charlevoix-Jonquière, Charlevoix, Haute-Côte-Nord, Charlevoix-Delbeau. Puis des situations comme ça, j'en vois pas. Non, je sais que Jonquière sort pas plein, là. Gino Gagnon était également en entrevue sur les ondes de DanoiseSport.com. Il a voulu expliquer les raisons qui ont fait en sorte qu'il a démissionné de son poste. La première question que je lui ai posée, évidemment, c'est que, selon lui, si la Haute-Côte-Nord n'engage pas ses trois durs à cuire, peut-être qu'on se parle pas de la même situation. Ils ont fait la promotion de ce match-là. Ça a comme envenimé la situation. Parce que moi, personnellement, tu sais, la seule chose que je peux dire, souviens-toi, notre dernière entrevue la semaine passée, tu m'avais dit c'était quoi mes objectifs de match. Puis ouais, c'était jouer trois périodes. J'allais là jouer trois périodes puis préparer mon équipe aux playoffs. Mm. Fait que là, si les playoffs vont jouer demain, les gars vont être madamés si ça va en sept. Tu comprends? Fait que disons que c'est ce que je peux te dire. C'est sûr que probablement que... Parce que justement, quand je te parle de ce tableau-là, on était short line-up un peu. Puis j'avais demandé à mes gars là, de pas lancer les titans inutilement parce que j'avais besoin d'eux autres pour finir la game. Puis, tu sais, je veux dire, parce que je l'ai dit en début d'année, tu sais, mais moi, la qualité là qu'on avait, nous autres, c'est que nos hommes forts sont capables de jouer au hockey, ils sont pas juste capables de se battre, tu sais, je veux dire, ils sont capables de jouer au niveau collectif. Fait que là, j'avais besoin d'eux autres de ce soir-là. Joe Gagnon explique dans un deuxième temps qu'après le match contre Dolbeau-Missassini, c'est à ce moment-là qu'il a pensé qu'il devait peut-être quitter ses fonctions d'entraîneur-chef du MGR Express de Jonquière. Ben, ça a commencé au match de Tolbeau. Okay. Quand le match est joué à 12-6. Quand il sort, comme j'ai dit tantôt à Michel, quand il est sorti de la patinoire, j'étais vraiment mal à l'aise vis-à-vis de la situation. Tu sais, je connais beaucoup de gens au lac. Je fais du lac à toutes les fins de semaine, je vais avoir des matchs au niveau mineur. Puis en fait, ma job de conseiller technique, ça devenait, pour un peu sa glaque, ça devenait excessivement difficile pour moi de continuer parce que ça ne représentait pas les mêmes valeurs. Également, je fais partie du conseil d'administration des Espoirs Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que là, tu sais, je me disais, j'étais toujours en contradiction avec mes valeurs. Puis plus ça allait, puis plus j'étais mal dans la sauce. Fait que là, à un moment donné, faut pas se rendre malade non plus. Si on a un travail, on a une famille. Fait que là, à partir de là, j'ai décidé de quitter. Gino Gagnon, dans un dernier temps, explique qu'il voit quand même un bel avenir pour cette ligue. Ben, moi, je la vois quand même sur un bon oeil. C'est comme j'ai dit tout tantôt en entrevue à Michel. Écoute, quand la ligue, chaque ligue, quand ça commence, ils ont leur apprentissage à faire. Tu sais, quand ça a commencé, la ligue nord-américaine, il y a une sorte de débordement aussi. Puis ça va. Il s'agit de s'ajuster puis de progresser dans ça. Je pense que, puis en passant, gars, il va juste revenir sur un point. Un matin, je me lève à 6 heures le matin. Concernant les suspensions, ce qu'on a appris, c'est que trois joueurs pour le moment sont suspendus indéfiniment. Il s'agit de Samuel Gagnon, Jean-Christophe Penneau et Félix Giroux du MGR Express Saint-Félicien, ainsi que Kevin Charest de l'excavation Savard. Il pourrait y avoir d'autres suspensions qui vont être annoncées au cours de la prochaine semaine. Le directeur général, dans un communiqué hier, a expliqué que les suspensions seront émises selon l'évaluation suivante. Les joueurs impliqués dans l'altercation entre les spectateurs dans les gradins, la sécurité dans les gradins afin de déterminer si elle respectait les consignes de la Ligue et également le refus du MGR de se retourner au juge suite aux événements. Donc ces trois aspects-là seront évalués au cours de la prochaine semaine. Après la pause, on vous parle d'une autre grosse nouvelle qui est tombée après-midi. Richard Martel, le commissaire de la Ligue, se lance en politique. Président de l'Association du hockey mineur de Robertval, en mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités et merci de nous encourager. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant